Chapitre 29e, le théâtre des Muses. Le voyage de Bagdad était censé s'ajourner. Je me rencontrais chez Madame Herriot avec le fils d'un gros industriel, Victor Pellerin, qui aimait passionnément le théâtre, un garçon de vaste corpulence, toujours suant et soufflant, et les yeux hors de la tête, colérique et familier. Ayant obtenu d'une grande compagnie de gaz, je ne sais dans quelles conditions, la jouissance d'une salle très vaste à Bercy, il y avait établi un théâtre et y donnait des représentations. Ce théâtre avait une scène, des décors, des coulisses et des loges pour les artistes. Il se nommait le théâtre des Muses, et si l'on y pratiquait fort peu les arts de Terpe et de Terpsichore, on y suivait assidûment les leçons de Thalie et de Melpomène. Son nom était ainsi justifié, mais trop classique pour un temps où le goût romantique dominait encore, il n'eût pas attiré la foule. Faible inconvénient pour un théâtre où l'on allait gratuitement et sur invitation. Pour moi, je trouvais que c'était un bien joli nom. Les acteurs étaient des gens du monde, de jeunes amateurs, camarades de Victor Pellerin. Les actrices étaient des professionnels, appartenant à l'Odéon ou à d'autres théâtres parisiens, et il y avait parmi elles deux pensionnaires de la Comédie-Française. Pour un très minime cachet, Pellerin trouvait des actrices qui n'étaient pas maladroites et dont il obtenait un excellent travail. Ce gros garçon, en qui se trouvaient réunies toutes les qualités d'un bon directeur de théâtre, possédait éminemment la première de toutes, qui est la parcimonie. Il faut dire qu'elle lui était bien nécessaire, car son théâtre, qui ne lui rapportait rien, lui coûtait fort cher, et ses ressources de fils de famille y suffisaient à grand-peine. Je demande s'il est un autre art où il aurait trouvé à si peu de frais des concours si précieux. Une circonstance particulière me fit assister aux répétitions du Théâtre des Muses. J'ai dit que Victor Pellerin était un excellent directeur de théâtre. Il choisissait fort bien ses pièces. Comme chaque ouvrage ne devait être joué que 3 fois, il n'était pas tenu de suivre le goût du gros public. Il se souciait seulement de plaire aux connaisseurs, et il y réussissait assez bien. Quand je le connus, il avait déjà monté, entre autres ouvrages qu'on n'avait pas vus ailleurs, L'Alchimiste de Ben Jonson, le premier Faust de Goethe, les Sincères de Marivaux. Puis, il eut l'idée de jouer Lysistrata, ce qui était alors une idée toute neuve. Songez que je vous parle de temps très anciens. Comme il me savait passionné pour l'art et la littérature de la Grèce antique, il pensa que je pourrais l'aider, par mes conseils, à transporter Aristophane à Paris, et m'invita aux représentations qui avaient lieu le soir. J'y fus assidu, non que je m'y crusse le moins du monde utile, mais parce que je m'y plaisais. Goethe, amoureux de théâtre, disait qu'une pièce médiocre, faiblement jouée, fait encore un spectacle merveilleux. Je pensais comme cet homme divin, et mon plaisir commençait aux répétitions, où l'on voit une confusion de mouvements et de paroles se transformer peu à peu en une suite bien ordonnée d'actions intéressantes. Il est beau que des hommes et des femmes, pareils au fond à tous les hommes et à toutes les femmes, mais non, certes pires, égoïstes, avides, envieux, jaloux, et se souhaitant réciproquement tout le mal possible, travaillent cependant avec zèle dans l'intérêt de tous, et réalisent par un effort obstiné cet heureux ensemble qui les subordonne les uns aux autres. Lysistrata, c'était Marie Neveu de l'Odéon, notre meilleure comédienne et la plus jolie, blonde par artifice, avec des yeux noirs, veloutés. Elle faisait la pluie et le beau temps au Théâtre des Muses. Je ne montre de préférence pour aucune de ces demoiselles, disait Victor Pellerin. Si j'en montrais, je ne pourrais plus les conduire. Parole indigne d'un bon directeur de théâtre comme lui. La vérité, c'est qu'il montrait sa préférence pour Marie Neveu et qu'il avait beaucoup de peine à conduire sa petite troupe. De là, son air colérique et mécontent, de là, ce front toujours plissé et ses yeux qui lui sortaient de la tête. Mais il n'eût montré aucune préférence s'il eût rencontré encore d'innombrables difficultés dans un métier qui en présente à tout moment de toutes sortes, et qu'il aimait pour cela même et aussi pour y montrer des préférences. Les comédiens, ses camarades, avaient tous aussi leurs préférences. Les préférences des uns dérangeaient celles des autres, mais tout finissait par s'arranger. J'eus, de même, dès le premier jour, une préférence. Ce fut pour Lampito, la lacédémonienne, dont le rôle était tenu par Jeanne Le Fuel de l'Odéon. Ce rôle est peu important, Jeanne Le Fuel me demanda d'y ajouter des béquets et ne me le demanda pas en vain. Funeste conséquence d'une faiblesse amoureuse, j'interpolai le texte d'Aristophane. Je dirais, pour mon excuse, que Lysistrata subit au théâtre des Muses de telles altérations qu'Aristophane lui-même, si par un prodige il fut venu l'entendre, ne l'eût pas reconnu. Mais pourquoi chercher une excuse ailleurs que dans les yeux de Jeanne Le Fuel? Ils étaient, ses yeux, d'un gris qui n'était pas gris, d'un gris qu'on n'avait pas encore vu et qu'on ne reverra plus, d'un gris léger, liquide, subtil, aérien, éthéré, où des points lumineux, à peine perceptibles, se tenaient en suspension, venaient à la surface, plongeaient et reparaissaient encore. Jeanne Le Fuel n'avait ni la fraîcheur, ni l'éclat, ni l'insolente jeunesse de Marie Neveu. Mais elle était mieux faite, ce qui, pour la plupart des hommes, ne lui donnait pas grand avantage. Car c'est le visage qui les attire d'abord et les rend coulants sur le reste. Qui a dit cela? Un maître en la matière, Casanova. Il aurait pu ajouter que peu de gens savent juger de la beauté des formes. Pour moi, je savais beaucoup de gré à Jeanne Le Fuel d'être faite comme elle était faite. Le rôle de Lampito, en dépit de mes béquets, était resté court. Aussi Jeanne Le Fuel avait du temps à perdre et elle le perdit avec moi. Nous causions. Il fallait pour cela nous tenir loin de la scène, car au moindre bruit qu'il entendait dans la salle, Victor Pellerin devenait flamboyant de rage et poussait des hurlements furieux. Jeanne Le Fuel n'avait que deux mots à dire pour me mettre en joie. Elle avait de l'esprit naturel et peut-être un peu plus de lecture que nos autres comédiennes. Mais ce n'est pas cela que je goûtais en elle. D'ordinaire, dans la conversation, le sujet m'importe peu. Un petit comme un grand me trouve bien disposé, mais je veux qu'on le traite à mon goût, qui n'est pas bien relevé. Les moindres esprits peuvent le satisfaire. Les plus considérables ont chance de le blesser horriblement. Les femmes, pour la plupart, n'y correspondent pas. J'aime très rarement leur conversation, mais quand je l'aime à la folie. Parlons franchement. Il me fâche qu'on parle correctement dans le particulier. Il faut laisser cela aux conférenciers. Un discours, si vous voulez bien, est un tableau. C'est une peinture composée et achevée. Une conversation est une suite de croquis. Eh bien, mes goûts en conversation sont les mêmes que mes goûts en dessin. Je demande à un croquis d'être libre, rapide, incisif, mordant, forcé. Je lui demande de passer la mesure, d'outrer la vérité pour la faire mieux sentir. J'en demande autant à une causerie. Elle m'est délicieuse quand elle fait passer sous les yeux une suite de pochades. La conversation des femmes du monde ne le fait pas d'ordinaire. La conversation de Jeanne Le Fuel le faisait sans cesse, avec naturel et facilité. C'était à chaque fois un album de Daumier qui s'effeuillait, et cela à une époque où la conversation d'une femme dans un salon vous étalait sans fin des feuillets de la revue des deux mondes. Les sujets que touchait Jeanne Le Fuel étaient petits, il est vrai, mais le trait dont elle les dessinait les grandissait démesurément. Elle contait le plus souvent des aventures de coulisses, des rivalités de théâtre et d'amour, des fureurs de femmes jalouses, des amitiés de comédiennes, brisées, réparées et de nouveau rompues en une soirée, moins encore, des farces de cabotins, un œuf glissé furtivement en scène par Pyrrhus, dans la main d'Andromaque, et la veuve d'Hector, cet œuf, tantôt dans la paume droite, tantôt dans la paume gauche, tendant au roi des pires des bras suppliants. Et vous prononcerez un arrêt si cruel. Cet art délicieux de dessiner ses moindres causeries, elle le devait à sa nature. Elle le devait ensuite à sa profession qui enseigne à voir et à sentir, habituée aux formes et au caractère des choses. Que d'agréables moments j'ai passé, grâce à elle, dans la grande salle nue et mal éclairée du Théâtre des Muses. La répétition finissait vers minuit et les gens raisonnables se retiraient. Alors nous évoquions les esprits. Toutes ces femmes étaient spirites. Je ne sais pas si Jeanne Le Fuel, qui, de ses propres mains, faisait effrontément tourner les tables, ne croyait pas elle-même aux esprits. La table était parfois lente à s'échauffer, mais elle finissait par se soulever. Comment eût-elle pu résister indéfiniment à la pression de tant de mains impatientes? On interrogeait les esprits par la typologie, c'est-à-dire en convenant avec eux soit de la valeur alphabétique, soit de la signification conventionnelle des coups frappés par la table. Un coup signifie A, deux coups B, trois coups C, etc. et encore un coup pour dire oui, deux coups pour dire non. Par ce moyen, les esprits nous faisaient des réponses dont quelques-unes n'avaient pas de sens, et ce n'étaient pas les plus mauvaises. Comme je me montrais surpris qu'ils se montrassent si bêtes, notre duègne, qui se nommait Thérèse Duflon, me fit une réponse assez raisonnable. « Ce sont les esprits des morts, et il ne suffit pas d'être mort pour avoir de l'esprit. » C'est ainsi que nous interrogeâmes vainement sur sa situation présente une cardeuse de matelas récemment décédée à Amiens. La pauvre âme, qui n'en avait jamais su beaucoup sur la vie, en savait encore moins sur la mort. Et c'était le cas de la plupart des âmes qui parlaient dans la table. Elle avait ses esprits familiers, dont un nommé Charlot qui était fort mal embouché, et un certain Gonzalve, que Mademoiselle Berger reconnaissait pour un amant qui lui était cher et qu'elle avait malheureusement perdu. Nous assistions avec beaucoup de sentiments à ces rencontres touchantes d'un mort et d'une vivante. Mais des coups frappés par un pied de table ne fournissent pas un langage assez riche à la passion, et Gonzalve nous ennuyait. Une de nos plus jolies actrices, nommée Rosemonde, se jetait avec plus d'ardeur et de curiosité inquiète que les autres, et que Mademoiselle Berger elle-même. Dans la nécromancie, depuis qu'elle croyait avoir évoqué l'âme d'une petite fille nommée Luce, qui à 7 ans joua la comédie à l'Odéon et mourut, répétant ainsi le sort de l'enfant Septentrion, qui dansa 2 fois sur le théâtre d'Antipolis et plus. Biduos altavit et placuit. Rosemonde obsédait Luce de questions sur sa vie terrestre, si brève, et sur son état présent. Luce ne parlait guère et restait peu. On faisait observer qu'elle frappait des coups beaucoup plus légers que les autres esprits, et que ses rapides apparitions étaient bien dans le caractère d'un enfant. Rosemonde, à force de recherche, se mit en rapport, par le moyen de la typologie, avec une tante de Luce. Et entre autres questions qu'elle fit à cette dame défunte, elle lui demanda de qui Luce était fille. Mal satisfaite des réponses de la tante, la curieuse Rosemonde, qui avait fini par connaître plusieurs membres trépassés de la famille de la petite Luce, mena une enquête longue et confuse, sans parvenir à distinguer entre la mère et la grand-mère de l'enfant. Et sa curiosité ne fut pas mieux contentée que celle des érudits, qui voulurent savoir de qui sortait cette petite menoue de la troupe de Molière. Malgré les plaisanteries les plus libres, les fraudes les plus grossières et les mystifications les moins dissimulées, qui ne cessaient pas durant la danse des tables, ces femmes, dont quelques-unes avaient de l'esprit, croyaient à la présence des morts dans cette grande salle éclairée de 3 bougies, où, comme Ulysse chez les Cimériens, nous faisions la nequia, tandis qu'autour de nous pendaient de vastes draperies d'ombre. Parfois, tout à coup, sans raison, prises de terreur, ces femmes s'enfuyaient éperdues, criaient et tourbillonnaient comme de grands oiseaux, se cherchaient et se repoussaient les unes les autres, s'empêtrant dans leurs jupes, tombaient, appelaient leur mère et faisaient des signes de croix. Et 5 minutes après, c'était autour de la table bondissante des exclamations joyeuses, des cris de surprise et de grands éclats de rire. Et cela jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Il me restait alors à reconduire Jeanne Le Fuel rue d'Assas où elle demeurait. Ce n'était pas l'affaire d'un moment. Il fallait d'abord trouver un fiacre, opération pénible et chanceuse, surtout quand il pleuvait. Si l'on était heureux, au bout d'un quart d'heure ou de 20 minutes, on arrêtait un sapin à rideaux rouges monté par un vieux cocher à carrick qui conduisait une haridelle boiteuse ou, pour parler plus proprement, un horrible canasson. Dans cet équipage, il fallait bien 1 heure pour atteindre les abords du Luxembourg. Je ne m'en plaignais pas. Nous étions seuls, et la conversation était plus intime. Je lui parlais avec une entière confiance, un abandon complet, et ce besoin de me livrer que j'éprouvais ardemment avec elle. Pour elle, elle conversait de ce qui la concernait, sans embarras, sans gêne aucune. Mais elle était bien loin de tout dire, et je sentais que dans ses confidences les plus abandonnées, elle réservait une grande part de sa vie, de ses sentiments et de ses actions. C'était par prudence, sans doute. C'était aussi, je crois, qu'elle était détachée, au-delà de ce qu'on peut imaginer, du passé et de l'avenir, et que pas une femme ne bornait comme elle la vie au moment présent. Elle devait à cette disposition la paix du cœur. Elle ignorait les regrets et ne connaissait pas l'inquiétude. C'était une âme sereine, comme le calme des mers. Le fiacre s'arrêtait devant le 18 de la rue d'Assas. Quand on avait encore quelque chose à se dire, je renvoyais le cocher et montais jusqu'au 3e étage où était le petit appartement de Jeanne. Pour y parvenir, on sonnait, mais de se faire ouvrir la porte cochère, là était l'œuvre, là était le labeur, comme dit Virgile. Après des efforts opiniâtres, à force d'agiter la sonnette et de frapper la porte du poing et du pied, on parvenait à réveiller le portier. Ses âmes s'ouvraient, et l'on était récompensé de sa peine. La chambre de la comédienne n'était pas riche. Un lit de fer, une commode de noyer et une armoire à glace en composaient tout l'ameublement. Mais elle était d'une propreté, d'une netteté parfaite. Jeanne ornait bizarrement les portes de son logis en y affichant des vers de sa façon, dans un cadre de fleurs peintes à l'aquarelle. Ces vers ne manquaient pas de grâce, mais il s'y trouvait des fautes de prosodie qui me choquaient. On ne les remarquait pas aujourd'hui, je vous conte des histoires d'un autre temps. Un matin que j'allais voir chez elle, je la trouvais cousant. De grandes lunettes rondes, montées en écailles, chaussaient étrangement son nez. Elle était entourée d'une quantité de vieilles petites boîtes, de vieux petits étuis qui révélaient une ménagère soigneuse. Et c'est ainsi que j'aime le plus me la rappeler. Un an après notre rencontre, Jeanne Le Fuel m'avait tranquillement oublié. Il me souvient toujours d'elle.